بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, inshallah, sur l'explication du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Sa'ilin Allah jalla wa ala an yanfa'ana bihada al-ilm wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal-amal kama nas'aluhu jalla wa ala al-thabat wa al-tawfiq ala dini wa an yuhsina khitamana jami'an wa ba'd. Donc on continue, inshallah, et donc là, dans la dernière allocution, on avait commencé l'étude d'un nouveau chapitre. Et donc, on avait commencé l'étude relative à l'un des attributs de perfection de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est l'attribut de l'ilm, l'attribut de la science. Et on avait dit qu'Allah jalla wa ala, à lui appartient la science parfaite et éternelle. Et cette science, on avait dit qu'elle n'a jamais été précédée de l'ignorance et elle n'est pas assujettie à l'oubli. Et Allah jalla wa ala, donc, il connaît tout ce qui a eu lieu dans le passé, tout ce qui se passe au présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc aussi, sait ce qu'il se passera dans le futur, subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que cela fait partie de la perfection de la science de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, du fait que la science d'Allah englobe tout. Allah jalla wa ta'ala est l'omniscient par excellence, à qui rien n'échappe, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Cheikh Ibn Al-Taymin, dans l'étude ou dans la dernière allocution, on avait appris que Cheikh Ibn Al-Taymin nous avait dit que qu'est-ce que l'ilm d'une manière générale. On avait parlé de la science ensuite, après qu'on avait parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la science comme il sied, comme il convient à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on avait parlé d'une manière plus générale et globale de la science. Qu'est-ce qu'était la science? Et linguistiquement parlant, qu'est-ce que voulait dire le terme « ilm » science? Et Cheikh Ibn Al-Taymin, dans son explication, nous dit que « al-ilm huwa idrak al-ma'lum 'ala ma huwa 'alayh ». Donc la science, c'est quoi? C'est la conception d'une chose selon sa réalité. Selon sa réalité. Donc on avait dit que cela exclut donc toute forme d'ignorance, et ça exclut l'ignorance, le fait de méconnaître. Et on avait dit dans la dernière allocution, à titre de révision, que les savants nous disent que l'ignorance se divise en deux catégories. La première, c'est l'ignorance, on avait dit jahlun basit, l'ignorance simplifiée ou simple. Et la deuxième ignorance, c'est l'ignorance aggravée. Et donc, on avait expliqué cela et détaillé cela dans la dernière allocution. Et on reprend alors dans l'explication de Cheikh Ibn Al-Taymin. Ensuite, il nous dit, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il dit, نريد أن نعرف ما هي الفائدة من معرفتنا بهذه الصفة العظيمة. Il dit maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le bien fondé. Quelle est l'utilité d'apprendre et de connaître cela, de connaître ce sujet et d'apprendre ce thème là. Il dit الفائدة أن الإنسان إذا علم أن الله واسع العلم وأنه محيط بكل شيء علما فلابد أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وهذه المسألة تغيب على كثير أو تعيب عن كثير من الذين يتكلمون في صفات الله جل وعلا. تجدهم يتكلمون على إثبات الصفة لكن لا يتكلمون عما يثمره الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة من الأحوال المسلكية. وهذه مهمة. Alors, Cheikh, il nous dit ensuite dans son explication, il nous dit, si l'individu, à quoi va lui servir cette science et ce savoir-là ? Il dit, si l'individu a la connaissance et reconnaît l'immensité de cet attribut, de la connaissance et de la science de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que annahu muhitun bi kulli shay, et que la science d'Allah jalla wa ala englobe tout, rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il se passe dans cet univers, et quoi qu'il se passera et se produira dans cet univers, Allah en a la connaissance. Avant même que les événements et les faits dans ce monde se produisent, Allah en avait là la connaissance. C'est une connaissance qui est éternelle. Allah a toujours su, il sera toujours subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, celui qui a la connaissance de ça, ce savoir-là va le mener vers ce qu'on appelle en arabe al-istiqama, al-istiqama ala amrillahi jalla wa ala. Ça va le mener vers la droiture, ce qu'on appelle la droiture, le fait de cheminer sur le chemin droit, sur la rectitude. L'individu va être droit à travers ses propos, à travers ses convictions, à travers ses paroles. Alors il sera droit, et donc al-istiqama, c'est le fait d'observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ce qu'Allah jalla wa ala nous a ordonné et commandé, et c'est le fait de s'abstenir de toute forme d'interdit. Et donc c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَرِيبٌ Il dit, et cette question malheureusement, elle échappe à beaucoup de gens qui ont étudié et qui parlent et qui traitent le thème et le sujet des attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتجدهم يتكلمون على إثبات الصفة et beaucoup de gens qui parlent sur les attributs d'Allah جل وعلا لكن لا يتكلمون mais malheureusement ils ne parlent pas sur les fruits et le bénéfice de cette connaissance là le fait que ça va mener l'individu à craindre Allah جل وعلا à savoir qu'Allah a connaissance de tout et donc rien ne lui échappe جل وعلا et donc ça nous pousse à Et ça nous mène vers la droiture, le fait d'être droit, le fait d'avoir des bonnes convictions, le fait de dire que des bonnes choses, le fait d'accomplir les bonnes actions. Pourquoi ? Parce que comme il est rapporté dans une histoire, il nous est rapporté qu'un homme un jour avait voulu demander conseil à un imam de son temps, un homme pieux de son temps. Alors il s'en alla chez cet imam et lui demanda, il dit « Parfois j'ai des insufflations et mon âme me pousse à désobéir à mon Seigneur et à lui ». Et à commettre des péchés. Alors, il voulait une exhortation. Alors, l'imam lui a dit, alors, essaye de trouver un endroit où Allah ne te verra point. Trouve un endroit dont Allah, Jalla wa Ala, n'a point la connaissance. Et là, l'homme lui répondit, ô imam, cela n'est pas possible. Allah, Jalla wa Ala, a la connaissance de tout. L'imam lui dit, cherche un endroit où tu peux te dissimuler, loin du regard d'Allah, Jalla wa Ala, un endroit qui échappe à Allah. Et l'homme dit, cela est impossible. Il n'y a pas d'endroit qui échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors l'imam lui dit, alors ne désobéis point ton Seigneur. Si tu ne peux te dissimuler, si tu ne peux te cacher, alors ne désobéis point à ton Seigneur. Et regardez, ça nous exhorte. Ça nous mène ici à la crainte d'Allah, jalla wa ala. Et observez, depuis le début, à travers l'étude de ces chapitres qu'a mentionné l'imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail, rahimahullahu ta'ala. Donc on a étudié trois attributs, parmi les attributs de perfection de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a étudié l'attribut de la miséricorde. On a étudié l'attribut du fait qu'Allah jalla wa ala est le grand dispensateur et le pourvoyeur de la subsistance des êtres et de ses créatures. Et là, on étudie l'attribut de al-ilm, la science. Et à travers l'étude de ces noms d'Allah Jalla wa Ala, ces noms sublimes, et on a dit que chaque nom sous-entend donc un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'on s'est rendu compte et on a pris connaissance de l'immensité de la miséricorde d'Allah, alors ça pousse et ça mène l'individu à espérer cette miséricorde d'Allah Jalla wa Ala qui est infinie. Et lorsqu'on a appris aussi, on a pris la connaissance qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui pourvoit et octroie la subsistance de toutes ces créatures, de tous les êtres, que ce soit les bestiaux, que ce soit les hommes, parmi les croyants et les non-croyants. Allah est celui qui octroie la subsistance. Il détient tout, subhanahu wa ta'ala. Alors ça incite et ça mène le croyant à s'en remettre complètement à son Seigneur et à ne point s'inquiéter. Et là, on reconnaît la grandeur de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, celui qui détient tout. Et à présent, on apprend aussi que Allah, Jalla wa Ala, est celui qui détient la science parfaite, celui qui connaît tout, qui englobe tout de son savoir, qui cerne tout de son savoir, rien ne lui échappe, et bien cela va mener le croyant et la croyante à craindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc là, j'ai voulu bien vous redire cela, qu'on comprenne plutôt cela. Pourquoi ? Parce que là, on a étudié juste trois attributs parmi les attributs de perfection. L'attribut de la miséricorde, l'attribut de l'octroiement de la subsistance, l'attribut de la science. Vous avez vu juste à travers l'étude de trois attributs parmi les attributs d'Allah Jalla wa Ala, et ben là on commence à avoir une connaissance de notre Seigneur, et là le croyant reconnaît la grandeur et l'immensité de son Seigneur. Quel est le cas lors de celui qui va étudier les 99 noms d'Allah Jalla wa Ala ? Est-ce qu'il sous-entend comme attribut d'Allah Jalla wa Ala ? Qu'Allah nous a révélé. Par contre, il y en a d'autres qui sont un mystère pour nous, dont on n'en a point la connaissance. Mais Allah, Jalla wa Ala, nous en a révélé 99, qui sont dans son livre, dans le Coran, et qui sont dans la sunna authentique de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui va étudier, méditer, essayer de comprendre ces noms sublimes d'Allah, Jalla wa Ala, qu'Allah nous a enseigné dans son livre, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans sa sunna authentique, alors, Je vous laisse imaginer la situation et l'état du croyant après l'étude de ces noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala. Là, cela va pousser vraiment le croyant à craindre son Seigneur, à reconnaître la majesté, l'immensité, la grandeur de son Seigneur. Et de ce fait, la foi, le iman et la croyance de ce serviteur-là va s'accroître et s'intensifier lorsqu'il va connaître la réalité de son adoré subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez compris, parmi les bénéfices et les bienfaits d'étudier ces chapitres, d'étudier ce livre Tawhid que l'imam al-Bukhari a mentionné. Donc, c'est très pertinent que l'imam al-Bukhari, c'est très très judicieux, qu'il ait commencé à mentionner la partie concernant la miséricorde d'Allah, ensuite l'octroiement de la subsistance, ensuite, maintenant, de nous parler de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication, il va dire « يعني أنت إذا علمت أن الله يعلم كل شيء هل تدمر في قلبك ما يخالف الاستقامة وأنت تعلم أن الله يعلم ذلك؟ لا هل تفعل ما يخالف الاستقامة؟ لا هل تقول ما يخالف الاستقامة؟ لا هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسماء والصفات بل المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الاعتقاد من تصحيح المسلك والاستقامة على الأمر. Donc là c'est très pertinent ce que nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il continue, il dit alors lorsque tu auras la connaissance et tu apprends cela et tu reconnais l'immensité et la grandeur de ton Seigneur et qu'il englobe tout, il cerne tout de son savoir, alors tu ne pourras pas cacher au fond de ton cœur ce qui contredit l'istiqama, la droiture. Il dit, tu ne pourras pas faire des choses qui contredisent l'istiqama, la droiture. Il dit, tu ne pourras pas dire des choses qui contredisent l'istiqama, la droiture. Il dit, ça c'est une question qui est très importante, qu'on doit toujours garder à l'esprit. Annahu laysa al-maqsoud, il dit le but et l'objectif, ce n'est pas de connaître et d'apprendre une chose et que ça soit juste une simple conviction, mais il dit cette aqidah là et notre étude des noms et des attributs d'Allah, le but c'est de nous mener à cette croyance ensuite qui nous mène à être droit et observer les commandements de notre Seigneur et de s'abstenir de toute forme de désobéissance, car on a la connaissance qu'Allah Jalla wa Ala, rien ne lui échappe, on ne peut rien lui cacher subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication, il va commencer à expliquer le premier verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, « Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada ». Et dans le premier verset qu'avait mentionné l'imam al-Bukhari, donc il avait mentionné le verset où Allah Jalla wa Ala dit qu'il est le connaisseur de al-ghayb. Et là, on va apprendre qu'est-ce qu'est al-ghayb. Donc on le traduit par les mystères, cette science qui est inconnue, l'inconnu, l'invisible pour nous. Ça, ça fait partie de al-ghayb. Al-ghayb, c'est ce qui nous est inconnu. C'est ce dont on a méconnaissance, ce dont on n'a point de connaissance. C'est un mystère pour nous, ça reste mystérieux, ça reste inconnu, invisible à nos yeux. Et de ce fait, le seul qui a la connaissance de ce ilm de al-ghayb, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ce commentaire, il va nous expliquer une subtilité qui est très pertinente. Il va nous dire, la science de l'inconnu se divise en deux catégories. Et il dit, ghaybun mutlaq, un inconnu, la science de l'inconnu dans l'absolu, et il dit, et ça, personne n'en a connaissance parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, deuxième catégorie, ghaybun muqayyad, c'est la science de l'inconnu, les mystères qui sont conditionnés, liés, en quelque sorte, c'est quelque chose de relatif et de proportionné. Et là, il dit, ya'lamhu ba'd an-nas duna ba'd, une certaine catégorie de gens peuvent en avoir la connaissance sans que d'autres aient cette connaissance. Et il va expliquer, il va donner un exemple. Il dit, par exemple, à l'heure actuelle, il y a des gens qui vivent à Mecca. Et ces gens qui sont à Mecca, il y a une population ici, à la Mecque, dans la terre sainte de la Mecque. Il y a une certaine situation, il y a des choses qui se passent à Mecca. Les gens de Mecca en ont la connaissance, mais il dit, en ce qui nous concerne, nous, on ne sait pas ce qui se passe à la Mecque. On n'a pas la connaissance de la situation des gens de la Mecque. Qu'est-ce qui se passe? Ça, pour nous, c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose dont on n'a point la connaissance. On méconnaît cela. Mais pour eux, c'est quelque chose de connu. Ils en ont la connaissance. Il dit donc, c'est un inconnu qui est relatif par rapport à une catégorie de gens, sans que cela soit quelque chose de mystérieux pour d'autres personnes. C'est ça qu'il dit qu'on appelle la science de l'inconnu. Il va donner un autre exemple. Il dit, par exemple, une personne a dérobé une chose. Ensuite, il va dissimuler et cacher cette chose à un endroit bien précis. Alors, celui qui a été volé, qui a subi l'injustice, il ne connaît pas l'endroit. Et son entourage et les autres aussi ne connaissent pas l'endroit. Un homme vient et lui a vu, a témoigné. Il a vu l'endroit où a été dissimulé les choses dérobées et volées. Pour les gens, pour celui qui a subi le préjudice, qui a été volé, et son entourage et d'autres personnes, pour eux, ça, c'était un mystère, c'était un inconnu pour eux. Par contre, celui qui a vu, qui témoigne du vol et qui a vu cette personne, ce voleur, cacher, dissimuler cette chose-là, pour lui, c'est pas quelque chose d'inconnu. Et ça, c'est ce que les savants, Cheikh Ibn Uthaymeen nous explique, c'est ce qu'ils appellent l'inconnu qui est en quelque sorte relatif. Ce qu'on appelle Ghaybun Muqayyad. Ghaybun Muqayyad. Donc voilà, Cheikh Ibn Uthaymeen, pour nous faire comprendre cela, il nous donne cet exemple. Maintenant, pour revenir au premier inconnu, cette science de l'inconnu, dont on n'en a point la connaissance, qu'on appelle dans l'absolu, l'inconnu dans l'absolu, ce qui est mystérieux, invisible pour nous, dans l'absolu, cela, il dit, « فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَخْتَصُ اللَّهُ بِهِ » Il dit ça, c'est particulier, spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est celle-là, c'est cette première catégorie qu'on est en train d'expliquer et de clarifier. C'est cette première catégorie que seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Seul Allah jalla wa ala en a la connaissance. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il va continuer son explication, il va nous expliquer l'un des versets qu'a mentionné ensuite l'imam al-Bukhari. Lorsqu'Allah jalla wa ala dit « Inna Allah indahu ilmu sa'ah » وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et là, il nous mentionne le verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. Allah, à lui appartient la science de l'heure. Et lui, l'imam al-Bukhari a mentionné cette partie. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, va mentionner la suite du verset, lorsqu'Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui connaît ce qu'il y a dans les matrices, et ma tadri, nafsun madha taksi buradan, et personne ne connaît ce qu'il obtiendra demain. وَمَا تَدَلِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ, et personne ne connaît en quelle terre réellement il mourra. Et Cheikh Al-Athaymeen a mentionné la suite du verset. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire quelque chose de très pertinent. Il nous dit, dans ce verset, il y a la mention des cinq clés de l'inconnu. Et à savoir que dans un hadith, le prophète, en sallam, nous dit que l'invisible, l'inconnu, la science de l'invisible, eh ben, il nous enseigne qu'il y a cinq clés. Et le prophète, dans le récit, dit « Mafatihul ghaib khams la ya'lamuha illallah » et dit « Les clés de l'inconnu, de la science de l'invisible, sont au nombre de cinq. Personne en a connaissance, personne ne les connaît, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il va nous expliquer. Il va nous dire « هذه الخمسة هي مفاتيح الغيب المذكورة في قول الله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب » Et dans un autre verset, le verset 59 de Surat Al-An'am, Allah dit « وعنده مفاتيح الغيب » Et Allah, à lui appartient les clés de l'inconnu. Et c'est pour ça que dans ce verset précédemment cité, on a les cinq clés. Comme le prophète Sam, il dit, il y a les cinq clés de l'inconnu, mafatih al-ghayb, et ben elles sont mentionnées dans ce verset. Elles sont, premièrement, ilm al-sa'a. Allah a cité ilm al-sa'a, la science de l'heure. Ensuite, la descente de la pluie. Wa ya'lamu ma fil arham, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, personne ne connaît ce qu'il va acquérir demain, ce qu'il obtiendra demain, ce qu'on appelle al-kasb. Et ensuite, dernièrement, la cinquième clé, et personne ne sait en quelle terre il mourra. Ça, c'est les cinq clés. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va nous dire une chose pour nous faire comprendre, qui est très pertinente, une grande faïda. Il nous dit, pourquoi on appelle cela des clés de l'inconnu, les clés de l'invisible, de tous les mystères? Ces cinq-là, pourquoi? Regardez ce qu'il va nous expliquer. Il nous dit, وَكَيْفَ كَانَ الْعِلْمُ بِهَذِهِ الْخَمْسَ مَفَاتِحْ غَيْبِ. Et il dit, comment on pourrait comprendre que la connaissance de ces cinq choses qu'on a citées, qui sont mentionnées dans le Coran, et que ces cinq choses appartiennent donc, la connaissance de ces cinq choses appartiennent à Allah, seul, sans associé. Comment on peut appeler cela des clés? Comment elles peuvent être, la connaissance de ces cinq choses, comment peuvent-elles être de ce qu'on appelle, être ce qu'on appelle mafatih al-ghayb? Alors il dit, pourquoi? Parce que, et regardez ce qu'il dit, il dit, لِأَنَّ السَّاعَ مِفْتَاحَ الْأَخِرَةِ. Il dit pourquoi? Parce que l'heure, c'est la clé de l'au-delà. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, lorsqu'on dit l'heure, c'est la fin des temps. C'est la fin de ce bas monde. Alors il dit, la fin de ce temps, c'est la clé de l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce monde, de ce bas monde, alors débute l'au-delà. Ensuite, il dit, en ce qui concerne la pluie, Tanzil al-Ghayth, c'est la clé de toutes les végétations, toutes les plantations, tout ce qui pousse sur terre, comme végétaux, comme plantes, comme légumes, comme fruits, tout cela, eh ben, provient de Al-Ghayth. Lorsqu'Allah descend les pluies, ensuite c'est la cause de ce qu'on appelle Al-Nabat, Miftah Al-Nabat. Donc c'est la clé ici pour que ces plantations, cette végétation puisse vivre. Et donc de cela sort de cette terre toute forme de légumes, toute forme et toute catégorie de fruits. Et cela, c'est pour cela qu'on appelle ça Miftah al-Nabat. Ensuite, il dit, en ce qui concerne ce que détiennent, ce qu'il y a dans la matrice, ce qu'il y a dans le ventre de la mère, l'embryon. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ilm ma fi al-arham, Miftah al-Janin. C'est la clé, ici, c'est cette vie de cet embryon qui débute. Cet embryon qu'Allah Jalla wa Ala a créé. Donc il dit, c'est la clé de la vie de l'individu dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, il dit, en ce qui concerne que l'individu ne connaît pas ce qu'il obtiendra demain. Il dit ça, c'est miftah, c'est la clé, miftah al-amal fil mustaqbal. C'est la clé de l'action de l'œuvre dans le futur, dans le futur. Et cinquièmement, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Et la personne ne sait pas en quel endroit, en quelle terre il mourra. Il dit ça, c'est le miftah al-akhirati bin nisbati li kulli wahidin minan nas. Il dit ça, c'est la clé de l'au-delà, mais ce qui est relatif à chacun d'entre nous, à chaque individu. C'est sa clé de l'au-delà, à partir du moment qu'il décédera. C'est pour ça qu'ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen nous fait allusion à ce hadith du prophète, « Mafatihul ghaib khams la ya'lamuha illallah ». Il dit, les clés de l'inconnu, de tous les mystères, sont au nombre de cinq, personne ne les connaît si ce n'est Allah. Et donc Allah, Jalla wa Ala, nous les a mentionnés dans ce verset, les cinq. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, ce qui va être très très pertinent ici, il va nous expliquer chacune d'entre elles. Il va reprendre les cinq et il va nous les expliquer avec les nuances. Et vous allez voir que beaucoup de questions qu'on se pose et qu'on va se poser, et Cheikh Ibn Uthaymeen va y répondre lorsqu'il va expliquer chacune d'entre elles. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, donc on va expliquer les cinq. Quelles sont les cinq clés de l'inconnu, de la science de l'invisible? Elles sont au nombre de cinq et on vient de les mentionner. Et donc, vous pouvez les retrouver mentionnées dans le verset qu'on a cité. À ce moment-là, vous savez qu'il y a des choses pour nous qui restent un mystère. Il y a des choses pour nous qui sont inconnues, dont on n'en a point la connaissance. Même avec toutes les nouvelles technologies, avec l'avancée scientifique moderne que l'on vit à notre époque, il y a des choses qui restent inconnues. Il y a des choses dont on a la connaissance. On a la connaissance de certaines choses qui font partie de la science de l'inconnu qu'Allah Jalla wa Ala nous a enseigné par l'intermédiaire et le biais de son messager, de son envoyé, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est venu clôturer la révélation et le message. Et donc, par exemple, ce qu'il se passe dans la tombe, ce qu'il se passera dans l'au-delà, tout cela fait partie de l'inconnu. Tout cela est mystérieux, c'est quelque chose d'invisible pour nous. Et justement, de ce fait, c'est ça le grand mérite que le croyant et la croyante ont, c'est le fait de croire en ce raïb, en l'inconnu, en l'invisible. Tout cela, le monde des anges, c'est un monde qui est inconnu pour nous, c'est quelque chose d'invisible pour nous, le monde des djinns et autres. Et le mérite des croyants et des croyantes, c'est le fait de croire en cela, en ce qu'ils n'ont pas vu, en ce qui est inconnu pour eux et invisible. Mais Allah Jalla wa Ala nous a donné des informations par le biais de son messager, nous a enseigné certaines choses du monde de l'invisible et de l'inconnu, comme par exemple ce qui se passe dans la tombe. Allah nous en a donné la connaissance, le prophète Sam nous a enseigné ce qu'il se passe pour le croyant et pour le non-croyant lorsqu'il décède. Et ça, c'est vrai que c'est un rappel qu'il faut se faire du fait que on est dans une période, les morts se multiplient. Ces jours-ci, vous voyez, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de décès dus à cette épidémie. Donc ça fait partie des épreuves de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il faut surmonter, qu'il faut endurer en patientant, en endurant et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sachant, comme le prophète sallam nous dit, que cela fait partie de la prédestinée de ce qu'Allah jalla wa ala a décrété et prédestiné. Et donc, il y a de nombreux décès, beaucoup de gens décèdent, les cimetières chaque jour accueillent les morts. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose de beaucoup se posent la question. Et bien, dans un hadith immense, et on va se faire un rappel avec un hadith immense, et je pense qu'on va conclure et clôturer notre rappel, puisqu'on a tardé, on est vraiment désolé, on a eu un problème technique, mais on va se faire un rappel et conclure avec ce hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, nous enseigne qu'est-ce qu'il se passe dans la tombe pour le croyant, pour que ça soit une bonne nouvelle pour les croyants et les croyantes, et que ça soit une incitation à endurer, à persévérer, à patienter et être fier d'être croyant, être fier d'être musulman. La musulmane doit être fière d'être musulmane. Le musulman doit être fier d'être musulman. C'est un mérite, c'est un honneur. Allah Jalla wa Ala nous a honorés avec cette religion. C'est un bienfait pour nous. Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin de nous. Allah se passe de toute sa création, se passe de toutes ses créatures. Qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, ça ne va rien diminuer de son royaume, de sa richesse, de son pouvoir subhanahu wa ta'ala et de sa puissance. Allah Jalla wa Ala se passe de toutes ses créatures. C'est nous qui avons besoin, nous sommes indigents, pauvres. Et donc, c'est un mérite, il faut vraiment le reconnaître cela, que c'est un honneur pour nous d'être musulmans, d'être soumis à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc pour terminer, référez-vous à un hadith d'Ibn Azib, Barra ibn Azib, un hadith qui est immense, où le prophète nous parle ici de qu'est-ce qu'il advient au croyant lorsqu'il décède. Donc d'une manière générale, le croyant, qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il décède? On va terminer avec ce rappel. Écoutez bien ce récit du prophète, alayhi salat wa salam. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'il advient au croyant? Eh bien, le prophète salam nous informe. Et l'imam, l'allama, muhaddith al-asr, le grand traditionniste, le grand savant spécialiste du hadith, al-shir, al-allama, al-albani, rahimahullah ta'ala, le grand savant al-shir al-albani a fait un énorme travail dans Ahkam al-Janaiz, dans son livre Les rites funéraires. Alors, il a rassemblé les différents énoncés de ce récit et il nous a mentionné le hadith dans son intégralité. Donc, je vous réfère, je conseille mes frères, mes sœurs, revenez, faites-vous un rappel au livre Ahkam al-Janaiz ou dans d'autres livres, vous le retrouvez, ce hadith-là, et méditez ce hadith, regardez très rapidement. Dans un hadith, le compagnon, Barra ibn Azib, radiallahu ta'ala an, nous informe qu'un jour, ils étaient en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, ce hadith, comme j'ai dit précédemment, il est authentifié et jugé bon et authentique par de grandes sommités et illustres et imminents savants comme l'imam al-allamat al-albani, rahimahullahu ta'ala. Alors, le compagnon nous dit, un jour, nous assistâmes en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux funérailles d'un homme, parmi les ansar. Alors, nous arrivâmes devant la tombe, il dit, alors que le lahd était encore en train d'être creusé. Le lahd, vous savez, lorsque la tombe est creusée, ensuite il y a cet endroit où sera mis le mort, c'est ce qu'on appelle le lahd. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il utilisait ce terme lorsqu'il disait « Talab al-ilm, le fait d'étudier la science, c'est min al-mahd, du berceau, le lahd, au tombeau. » C'est cet endroit où qu'on est enterré. Alors ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit en direction de la Qibla. Alors, nous nous assîmes, on s'est assis avec lui et autour de lui, en observant un silence tel que des oiseaux auraient pu se poser sur nos têtes. Regardez, le compagnon nous décrit un peu l'atmosphère, l'ambiance. Il y avait tellement silence qui régnait que même les oiseaux auraient pu poser leur tête. Vous avez vu, le fait d'assister à un enterrement, c'est vraiment un grand rappel. Et regardez cette atmosphère de silence, une atmosphère silencieuse. Et en plus, ils sont en compagnie du meilleur homme, le meilleur prophète et messager, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors le prophète se mit ensuite à tapoter la terre à l'aide d'un bâton qu'il tenait à la main. Et le prophète, sallam, il est décrit comme étant, il se mit à regarder le ciel puis la terre. Il leva, baissa le regard à trois reprises. Et le prophète dit alors, cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il nous répéta, le compagnon dit que le prophète répéta cette exhortation, le fait de chercher refuge contre le châtiment de la tombe, deux ou bien trois fois. Ensuite, le prophète sallam dit, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le supplice de la tombe. Et le prophète répéta cela trois fois. Ensuite, il dit, lorsque le croyant arrive au terme de sa vie d'ici-bas, et sur le point de débuter sa vie dans l'au-delà. C'est-à-dire que lorsque le croyant maintenant, il subit les affres de la mort, il est en agonie, il va quitter ce monde. Regardez ce qui se passe. Et on avait fait allusion dans les précédentes allocutions, lorsqu'on avait cité les versets, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit par exemple « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu » تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. On avait fait allusion à ces versets-là. Lorsque le croyant, vit cela, il subit les affres de la mort, qu'est-ce qu'il se passe? Regardez, le prophète sallam nous dit, des anges au visage blanc et rayonnant comme le soleil descendent du ciel vers lui. Donc des anges descendent. Ces anges sont décrits au visage blanc, ils sont rayonnants comme le soleil descendent, comme le soleil, ils sont rayonnants comme le soleil et descendent donc du ciel vers ce mort. Alors ils apportent avec eux, il est dit, un linceul et du parfum venant du paradis. Ils vont s'asseoir alors autour de lui et ils sont tellement nombreux, ces anges, qu'ils emplissent son champ de vision. Ce croyant qui est en train de mourir, alors ces anges qui viennent autour de lui, regardez même dans le verset, il est dit, « Tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu » Des anges, alors, se mettent autour de lui, ils sont tellement nombreux qu'ils emplissent son champ de vision. Par la suite, l'ange de la mort que la paix soit sur lui, alors c'est là qu'il arrive. L'ange de la mort arrive, il va s'asseoir près de sa tête et dit, ô bonne âme. Et dans une autre version, il est dit, ô âme apaisée, sors vers la miséricorde et l'agrément de ton Seigneur. Alors le prophète Anselme ensuite nous dit, l'âme du croyant quitte alors le corps aussi facilement qu'une goutte d'eau ruisselerait du goulot d'une gourde. Et l'ange de la mort s'en saisit. Et dans une autre version, il est dit, quand son âme sort, tout ange se trouvant entre le ciel et la terre sollicite le pardon d'Allah pour elle. De même que tout ange se trouvant au ciel, ils demandent tous le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour cette âme-là. Regardez, les anges invoquent et demandent le pardon pour cette âme. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes les portes du paradis lui sont ouvertes. Et les anges gardiens au niveau de chaque porte ne font qu'implorer Allah pour que cette âme procède à son ascension de leur côté. Subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit, après s'en être saisi, donc c'est une traduction approximative des sens des paroles du prophète, alayhi salatu wa sallam, après s'en être saisi, les anges présents ne la lui laissent pas une seconde. Ils la prennent, la recouvrent du linceul, qui était cité précédemment, qui vient du paradis, et qui est parfumé de ce parfum du paradis. Telle est la parole d'Allah, lorsqu'Allah dans le verset dit, « Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarratun » Nos messagers, une traduction relative au sens du verset, les anges, c'est-à-dire, enlèvent son âme sans aucune négligence. Et ensuite, il nous est dit, l'âme, ensuite, exhale alors une odeur plus agréable encore que la meilleure odeur de musc existant sur terre. Les anges ensuite procèdent ensuite à l'ascension de l'âme recueillie. Donc ensuite, les anges vont monter, ils vont faire l'ascension avec cette âme-là. À chaque fois que d'autres anges rencontrent le cortège, ils disent à qui appartient cette âme vertueuse. Alors les anges de répondre, un tel fils d'un tel. Et là, regardez, ils vont dire, c'est un tel le fils d'un tel. Les anges se demandent, qui est cet individu à qui appartenait cette âme? Alors ils diront, un tel fils d'un tel. Mais ce n'est pas tout. Ils vont le désigner plutôt par le meilleur des noms par lequel il se faisait appeler dans la vie d'ici-bas. Une fois arrivé aussi à l'inférieur, les anges sollicitent l'ouverture des portes célestes qui s'ouvrent alors. Cette âme est ensuite accompagnée de ciel en ciel par les anges les plus proches d'Allah. Regardez, les anges les plus proches d'Allah vont accompagner cette âme qui était croyante ici-bas de ciel en ciel. Une fois arrivée au septième ciel, écoutez bien ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivée au septième ciel, Allah exalté et glorifié soit-il, ordonne que le nom de ce croyant soit inscrit dans les lieux les plus hauts du paradis, conformément à la parole d'Allah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Une traduction relative du sens versé. Et qui te dira ce qu'est الْعِلِّيُّونَ? Un livre cacheté, les rapprochés d'Allah en témoignent. Alors le prophète ensemble continue et dit, son livre est alors inscrit parmi الْعِلِّيِّينَ. Puis il sera dit, qu'il soit ramené vers la terre. En effet, je leur ai promis que c'est de la terre que je les ai créés, en elle je les ramènerai, et d'elle je les ferai surgir une autre fois. Alors il nous est dit dans le récit, ensuite dans une version, il retourne alors vers la terre, l'âme du croyant est ramenée et introduite dans son corps. C'est à ce moment-là que l'âme revient dans le corps du croyant. Alors il entend à ce moment, que l'âme revient dans son corps, c'est là qu'il entend les bruits des sandales de ses proches, de ses bien-aimés, de ses compagnons, qui s'éloignent de lui après l'enterrement. C'est à ce moment-là que lorsqu'il s'éloigne, il lui tourne le dos et ils s'en vont. C'est à ce moment-là que son âme revient dans son corps. Après quoi, à ce moment-là, arrivent deux anges. C'est là que les deux anges viennent. Grondant fort, comme c'est traduit, et comme c'est expliqué, mentionné dans le récit, dans une version du récit. Ils le réprimandent, le font s'asseoir et lui disent, « Qui est ton Seigneur ?» Il répond, « Allah est mon Seigneur. Quelle est ta religion ?» Il répond, « Ma religion est l'islam. Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ?» Il répond, « C'est bien l'envoyé d'Allah. Quelles sont tes œuvres ?» Le défunt répond, « J'ai lu le livre d'Allah. J'y ai cru et je considère que c'est la vérité. » L'ange alors lui dit, « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? ce sera la dernière tentation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, que connaîtra le croyant. C'est la dernière épreuve. C'est pour ça que ces trois questions-là posées dans la tombe par ces deux anges, c'est ce qu'on appelle fitnat al-qabr. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve de la tombe, c'est le test. C'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour le croyant, c'est la dernière tentation. Et c'est à cela que fait allusion ce passage du Coran, lorsqu'Allah dit « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ » Allah, d'une traduction relative du sens du verset, a fermé les croyants par la parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. « وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ » Tandis qu'Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Et Allah fait ce qu'il veut. Ensuite, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant répond, alors, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un appel du ciel retentit à ce moment. Mon serviteur a dit vrai, étalez dans sa tombe des tapis provenant du paradis. Habillez-le des vêtements provenant du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. D'où lui parviennent les parfums et la brise du paradis, sa tombe sera ensuite élargie jusqu'à perte de vue. C'est alors qu'un homme, un bel homme, exhalant une bonne odeur et portant de beaux vêtements, alors vient à lui. Donc un homme va apparaître ensuite avec une belle apparence, une belle allure. Un homme, cet homme apparaît et lui dit « Je viens t'annoncer la bonne nouvelle ». Dans une version, réjouis-toi d'un agrément de la part d'Allah et réjouis-toi de jardin aux délices permanents. Voilà devant toi le jour que l'on t'a promis. Et il est dit dans un énoncé qu'Allah t'annonce une bonne nouvelle. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Lui demande le défunt. Ton visage annonce d'emblée de bonnes choses. Et l'homme de lui répondre, je suis tes bonnes œuvres. Je suis tes bonnes actions. Par Allah, je ne t'ai connu, dans un énoncé, regardez ce qu'il est dit, par Allah, je ne t'ai connu que prompt à obéir à Allah, Jalla wa Ala, et réticent à lui désobéir, qu'Allah te récompense donc par le bien. Par la suite, le prophète Ansem nous dit, une porte du paradis lui est ouverte, de même qu'une porte de l'enfer. Et on lui dit, regarde la place que tu aurais occupée en enfer si tu avais désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. En échange, Allah t'a assigné une place au paradis. À la vue des délices du paradis, regardez ce que va dire ensuite ce défunt, croyant. À la vue des délices du paradis, le défunt s'écrie « Oh Allah, précipite l'avènement de l'heure de la résurrection pour que je rejoigne ma famille et mes biens. » On lui dira alors « Repose-toi donc, repose-toi donc. » Et voilà, ça c'est la partie concernant le croyant. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mentionner la partie concernant le non-croyant. Et donc toute cette partie, c'est la partie dont pour le croyant, cette énorme nouvelle et ces énormes enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. On va se quitter sur ça. Il n'y a pas un meilleur rappel que se rappeler l'au-delà et se rappeler cela avec les textes hein, émanant du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salat wa salam. Et juste avant de terminer, donc comme vous avez pu l'entendre, chaque jour, donc il y a de nombreux décès, il y a de nombreux défunts qui rejoignent leur demeure, la tombe, la première demeure de l'au-delà. Et parmi eux, aujourd'hui, on a perdu des frères. Et parmi eux, on a perdu un frère qu'on connaissait, qui était proche, un frère qu'on aimait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a perdu notre grand frère, Mustafa Abu Zakariya, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Ce grand frère qu'on estimait, qu'on aimait bien, on a perdu notre frère. On demande à Allah jalla wa ala qui facilite à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses proches et aux frères qu'il aimait, qui leur facilite cette épreuve, qui mette cette épreuve dans les bonnes actions, leur registre du jour de la rétribution. Et on demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que la tombe de notre frère, notre grand frère Mustafa Abu Zakariya, s'élargisse et que ce soit un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah lui pardonne toutes ses fautes, qu'Allah lui pardonne toutes ses fautes, tous ses manquements, qu'Allah lui l'élève dans les hauts degrés du paradis, qu'Allah fasse que sa tombe soit une félicité, qu'il vive la félicité dans sa tombe, qu'Allah l'élève et qu'il fasse partie des gens du paradis et qu'Allah nous pardonne à tous et nous réunisse tous dans les hauts degrés du paradis.